Et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de Puceaux sur antenne 94 MHz. Comme tous les lundis, ça sent un peu les vacances, les extraordinaires vacances de la Toussaint qu'on attend tous. Mais rassurez-vous, l'Asile ne prend jamais de vacances, donc je serai là la semaine prochaine. Et également, l'émission peut être podcastable. Il y a moyen de retrouver l'ensemble des sélections, et ce depuis 2 ans, de l'Asile de Puceaux sur son blog asile35.blogspot.fr ou à partir du mixcloud.com/redman. Et à partir de dorénavant, il y aura des bonus d'ailleurs sur le site à partir donc d'Asile 35. Vous tapez Asile sur vos moteurs de recherche préférés et vous tomberez bien évidemment sur l'émission Asile. Voilà, on va démarrer avec un combo qu'on aime plutôt pas mal, originaire de Lyon, qui sort son 2e album. Il s'agit de Polymorphie, qui fait partie du collectif, le fameux collectif à géométrie variable, qui comporte pas mal de formations en son sein de Lyon, 6 personnes pour Polymorphie, et qui fonctionne comme un seul homme sous la férule et la baguette du saxophoniste Romain Dugelet, qui se charge des compositions et des arrangements entre jazz contemporain et rock plutôt libre. Romain Dugelet, qui fait par ailleurs partie du trio Kuma, qu'on vous a aussi pas mal passé dans cette même émission, et on y retrouve le combo de Free Rock d'ailleurs au grand complet. Léo Dumont est à la batterie, Damien Cluzel à la guitare baryton, qui fait partie lui-même du combo Ethiopo Jazz Noise You Can Dance, Clément Adouard de Irène et de Lou et de la partie aussi. Il joue le 2e sax alto et électronique, et il y a aussi un second électro-acousticien. C'est à peu près donc la formation qui s'est stabilisée, qu'on a eu l'occasion de voir à 2 reprises d'ailleurs sur Rennes. Et les textes qui sont portés par Marine Pellegrini, et quel texte pour ce nouvel opus qui s'intitule Cellule, qui paraît ces jours-ci. Il s'agit d'écrits sur la thématique de la prison, des textes écrits par des anonymes, donc confrontés à la problématique de l'enfermement bien évidemment, et aussi quelques écrivains assez célèbres qui en ont fait la douloureuse expérience, notamment Paul Verlaine ou encore Oscar Wilde, dont on va entendre un extrait de la fameuse ballade de la geôle de Reading lorsqu'il y fut emprisonné pour 2 ans, et ce pour homosexualité vers 1895-1897. Ça, c'était pour le passage assez cultureux de l'émission. Côté musique, on est toujours dans le même registre pour Polymorphie que leur précédent opus qui était sorti il y a 4 ans, un côté rock plutôt acéré, voix au cordeau et orchestration jazz noise à l'unisson, à l'image du titre qui démarre cet album et qui va démarrer la sélection de l'asile de cette semaine. Donc texte de Oscar Wilde porté par Marine Pellegrini et l'ensemble du combo Polymorphie, extrait de ce disque Cellule. Et à noter qu'ils sont en concert, sortie d'album demain mardi 13 octobre à Paris, ce sera au studio de l'Ermitage. Donc on écoute Polymorphie comme si on était en concert. Kills the thing he loves, by each let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Of gold, the kindest use a knife because the dead shall soon grow cold. petite séquence pour réveiller nos cages à miel dans l'asile le plus sûr. Tout d'abord, Polymorphie et un extrait de l'album Cellule. Deuxième en date donc pour les Lyonnais qui devraient, je pense, tourner avec cet album dans les prochains mois et qui sait peut-être revenir à Rennes. Je ne sais pas si Kouma va aussi se fendre d'un nouvel album prochainement, mais on attend ça avec grande impatience. Et c'était enchaîné avec le projet électronique un peu un tantinet North Wifun ou je sais pas trop comment dire pour ce combo de la perfide Albion sous le nom de Libéré avec EZ à la fin, l'album All Tense Now Lax qu'on vous avait proposé déjà à la rentrée début du mois de septembre qui est sorti au courant de l'été à peu près fin juillet sur le label Night School en CD et en vinyle. Ce projet de John Annon, qui est ingénieur son à Southend-on-Sea, sur la côte est, tout près de Londres, dans un studio d'ailleurs qui a été pratiqué par à peu près tout le wouzou de l'impro free britannique ou américaine, John Butcher, Phil Minton, Chris Corsano, mais aussi les Talibam ou encore les Young Gods, voire même les Reines d'Angleterre ont passé entre les pattes de monsieur John Annon. Alors un projet qui existe depuis une petite dizaine d'années, se libérer, c'est leur quatrième disque en date, mais on les connaît réellement que depuis le précédent qui s'intitulait Sane Men Surround, qui était sorti il y a de ça 2 ans, donc un projet plutôt un projet studio, même si ça leur arrive de faire des concerts, et puis pas mal de gens autour de lui, un percussionniste également, la chanteuse Nina qui fait plutôt des psalmodies d'ailleurs, ou encore le guitariste Tom James Scott qui lui a sorti aussi des disques sur l'étiquette Bowieville Recordings, disque plutôt réussi, ce All Tense Now Lax par Libéré. On va enchaîner avec un autre projet hexagonal que je découvre sous le nom de Code B avec le disque Postec, et c'est sorti sur Jex. Alors, tout ça est assez énigmatique, je vais vous faire un peu le pitch. Code B, qui est un duo batterie Benoît Killiam, guitare électronique Olivier Dumont, une sorte d'improvisation noise avec pas mal d'expérience pour ces deux musiciens, guitare jouée à l'horizontale et batterie plutôt dans le registre de l'impro libre européenne. Tout ça matinée de passage Free Noise, un projet qui fait partie du collectif Jex, donc, ce qui veut dire général d'expérience. Expérimentation, qui est une structure basée à Dijon, un collectif d'une vingtaine de musiciens que je découvre donc, qui a l'air tout aussi passionnant que le collectif Quax ou encore le Grolectif de Lyon. Un disque 6 pièces assez courtes, mais vraiment réussi de bout en bout, au tirage plutôt limité. Donc, si ça vous intéresse, la musique de Code B, c'est distribué par l'excellent Metamkin, il en reste une cinquantaine, très très peu, une face sous le nom de POS et une face sous le nom de TECH, ça donne POSTECH. Et on va écouter le titre P3, ce qui était le cas de votre serviteur. Alors P3, c'est celui qui n'avait pas réussi à être P4. On écoute la musique de Code B. We'll be right back. back to send, and he wanted me to call you to see if you can come down to the hospital on 68th in New York because he cut her finger in a blender. Sans l'asile plus sûr, vous avez pu entendre tout d'abord le duo plutôt clinquant, brinque-ballant et ferraillant qui regroupe donc le guitariste Olivier Dumont et le batteur Benoît Killiam, deux musiciens originaires de Dijon qui forment le jeune duo Code B qu'on découvre avec ce premier LP sous le nom de Post-Tech, publié par le label Jex et distribué par Les Bons Soins de Metamkin. Et c'était enchaîné avec une formation, je crois qu'ils sont new-yorkais, non, ils sont de Washington DC, pardon, Les Rhinocéros, publié par le label de John Zorn Tzadik un peu avant l'été. Excellent trio qui signe son troisième disque sous ce nom, donc Les Rhinocéros, qui existe depuis 4-5 ans. Je vous avais passé déjà un extrait qui était un peu plus rentre-dedans, peut-être un peu plus monolithique, celui-ci extrêmement varié, hein, donc ça n'arrête pas de changer de style et de faire des contrebraquages. Le titre qu'on écoutait, She Cut Her Finger in a Blender, extrait de ce disque tout bonnement intitulé 3 en chiffres romains, donc de l'excellent free rock un peu à la Secret Shift 3, avec un côté western spaghetti assez déglingué, tout ça passé à la moulinette de ces trois musiciens vraiment brillantissimes de bout en bout. On va continuer avec tout autre chose et des très très vieux sons presque de l'après-guerre, de l'après Seconde Guerre mondiale, et ce disque, cette anthologie sous le titre Excavated Shellac Reeds, donc un disque de spéléologie et d'ethnomusicologie qui vient d'être publié par l'excellent label Dust To Digital, le fameux label qui se consacre un peu à l'illustration du folk américain dans ses tout débuts, et aussi mondial, avec des vieilles cires, les 78 tours, qui sont dépoussiérées, remasterisées et numérisées par Les Bons Soins de Dust To Digital, et qui récidive donc avec cette Excavated Shellac Reeds, donc les hanches, extraits de ces 78 tours, sélection de titres rares, notamment extraits d'un label qui s'appelait Mijwiz, qui éditait beaucoup de choses du Moyen-Orient et aussi du monde arabe dans l'après Seconde Guerre mondiale. On y retrouve également sur cette anthologie des musiques sardes, des musiques aussi auvergnates, égyptiennes, de Tanzanie, de Bulgarie, de Macédoine, d'Espagne, d'Inde, de Chine ou encore de Corée du Nord ou du Kurdistan. C'est accompagné par un superbe livret 8 pages, et donc ça fait pas mal penser un peu à ce qui avait pu être publié aussi par exemple sur les musiques des joueurs charmeurs de serpents, qui avait été édité sur le label d'Aaron Dilloway. Et donc là ce sont des hanches dans un registre un peu populaire, mais assez aussi musique de trance. On va pouvoir s'en rendre compte avec le titre qui démarre cette anthologie. J'ai pas eu encore l'occasion de m'immerger complètement dans ce disque Excavated de Shellac Reeds, donc je propose un premier extrait ce soir et une tarentelle populaire, extraite donc de cette anthologie de l'excellent label Dust To Digital. We'll be right back. Nothing is the least, it's the new. They should. Vous êtes toujours dans la ville le plus sûre, sur antenne du 94 MHz, avec une série de trois titres enchaînés, plutôt dans le registre des musiques qui attaquent le cortex cérébral. Tout d'abord, on a écouté un extrait de cette très belle anthologie Excavated Shellac Reeds, des musiques pour hanches, extraites de vieilles cires. Et on entendait un morceau qui était plutôt une tarentelle, mais il y a beaucoup de musiques d'inspiration moyen-orientale, notamment à partir d'une double clarinette dont jouaient notamment les druzes de Syrie, et ce jusqu'en Égypte. L'instrument assez incroyable qui s'appelle l'argule. Et vous pourrez retrouver évidemment tous ces instruments, ces hautbois et ces instruments à hanches assez extraordinaires dans un très beau livret de 8 pages, Florilège compilatoire monté par le musicologue et collectionneur fou John Ward pour le label Dust to Digital. Ça vient tout juste de sortir en vinyle et en CD. Et c'était enchaîné avec le disque de Sourdure qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous passer jusqu'ici, même s'il est sorti au printemps dernier, sous le nom La Virée, sorti sur le label de Joe, le label parisien Tense Process en CD. Et il s'agit du projet du Clermontois et Auvergnat relocalisé à Lyon, Ernest Berquez, membre de Comwald et autres orgues Agnès, voix, violon et électronique, avec pas mal d'invités, un disque très très jouissif entre chansons populaires anciennes et musique traditionnelle du Massif central, avec parfois du chant en occitan mais branché sur de la noise psychédélique pour l'électrocution, tout ça dans la lignée Tazartès, un peu Francis Bébé aussi sur les bords. Et on y retrouve sur le titre qu'on entendait monsieur Laurent Gérard alias LG, la moitié d'Opéra Mort d'ailleurs, avec Joe de Tense Process, qui se fendait de ce texte Jésus s'habille en pauvre, tout ça avec l'accent et pas mal de distorsions, comme si c'était aussi extrait de vieux 78 tours. Et sur certains titres il y a aussi Jack Puech, qui est le duettiste qu'on retrouve aux côtés du vielleux Yann Gourdon au sein de la Novia. Donc ça plante un tantinet le décor des camarades de Sourdure, monsieur Berguez, qui officie pas mal dans le réseau Underground. Alors pas eu l'occasion de le voir encore celui-ci sur scène, mais ça fait plutôt très très envie. Donc une sorte de disque entre musique de collecte à la Frémo et associé, Harry Smith et XP Underground, un disque carbonisé au soleil noir comme on les aime dans l'asile. Et on a terminé avec une autre compilation totalement délirante sous le titre Found the Secret, sorti par le label Noise japonais 777 Waz 666, je vous fais pas en anglais. Alors c'est en CD, c'est distribué par Metamkin, et on y retrouve notamment les New Blockaders, Dylan Newkiss, John Viz, Smekma, Aaron Dilloway, Marc Hurtado d'étant donné. Bref, un peu tout le ouzou de la noise XP contemporaine, et assez extrême pour un disque de collage très très réussi. Et le titre qu'on écoutait, extrait de ce florilège Found Secret, était une sorte de musique de fanfare bizarroïde de monsieur Rick Potts du Los Angeles Free Music Society, un musicien qui a démarré vers 1973 je pense, labyrinthin sonore notamment au sein des fameux groupes Le Forte et Fort, Solid Eye, Airway ou encore Dinosaur with Horns. Donc plutôt quelqu'un qui est assez coutumier des collages électroacoustiques, en tout cas une compilation assez intéressante de bout en bout, ce Found Secret. On va continuer dans le domaine des musiques électroniques, tout ça pour vous signaler d'ailleurs la tenue du festival qu'on n'appelle plus Electronica depuis déjà quelques années, hein, je retarde, c'est maintenant, le festival s'appelle maintenant, désormais donc, et c'est à Rennes donc entre le 13 et et le 18, avec un certain nombre de concerts. J'ai noté notamment ce mercredi 14 octobre, alors c'était à l'église Notre-Dame en Sainte-Melaine, s'il vous plaît. Vous pourrez retrouver la violoncelliste Hildur Guðnadóttir, qui joue souvent aux côtés de Panasonic, ainsi que le pianiste ukrainien Lubomir Melnik. Ça, c'est ce mercredi vers 20h, donc à Sainte-Melaine. Il y aura aussi une autre performance d'ailleurs de Hildur Guðnadóttir au Musée des Beaux-Arts jeudi. Une nuit électronique, comme toujours, pour terminer le festival, avec notamment la venue assez exceptionnelle de Dominique Fernaud, alias Vatican Shadow, qui se produit aussi sous le nom de Pruriante, assez souvent, donc de la noise électronique très très intéressante. Donc c'est l'antipode, ça se finish plutôt dans les musiques qui cognent et qui font danser aussi. Donc la nuit électronique numéro 2, samedi 17 octobre. Puis pas mal de performances et d'installations, notamment au théâtre du Vieux-Saint-Étienne toute la semaine, donc à voir entre 13h et 19h. Également une exposition qui sera en vernissage ce jeudi au Bon Accueil sur le canal Saint-Martin, donc tout ça c'est évidemment sur le site maintenant-festival.fr. Et on va enchaîner avec un compositeur électroacousticien originaire de Tokyo que je découvre avec ce second album qui répond au nom de Wii Onodera. C'est un monsieur qui a étudié l'architecture et qui mélange field recordings, piano, guitare, son électronique. On pense beaucoup à Machine Fabrique ou encore Stéphane Vitiello pour son travail, et il a collaboré avec pas mal de gens, notamment Seller, qui a sorti des disques chez Bascarou, et c'est Bascarou, l'excellent label spécialisé dans l'électronique et le sound art de monsieur Eric Besnard, qui se colle donc à la production de ce semi-lattice qui vient tout juste de sortir. C'est sorti à la fin du mois de septembre, et c'est plutôt de l'ambiance assez pur sucre. On écoute la musique de Wii Onodera, extrait de ce semi-lattice. Thank you.

de musiques électroacoustiques dans l'Asie de Pussure. Tout d'abord avec un extrait de ce disque de Yui Onodera sous le titre Semi Latice, produit par le label Le Bascarou, qui s'est fendu d'un petit 3 disques consécutivement, donc 3 disques qui sont sortis à la fin du mois de septembre, l'un du britannique Simon Wetham, un disque aussi de l'électroacousticien plutôt dans le registre des musiques un peu field recordings, Emmanuel Mieville, et donc ce disque de Yui Onodera qui est plutôt dans l'ambiance assez classique mais plutôt agréable, sous le titre donc Semi Latice. Vous pouvez vous reporter au site Bascarou avec un K. Et c'était enchaîné avec un disque qui lui est sorti, Boyotsa, déjà quelques mois, mais que j'ai découvert l'été dernier, l'excellent 33 tours, Ceci est l'histoire d'un homme, publié par Grabuge Records, la rencontre entre Martial Béchaud et Anton Mobin pour une performance live électroacoustique improvisée, enregistrée à Bordeaux, à l'Antidote, le 18 septembre de l'année dernière, et c'est sorti quelques mois après. Donc un disque de collage et d'effets électroacoustiques avec pas mal de détournements de voix dans le registre assez cinématographique et dans la pure tradition de la musique concrète francophone. Alors c'est ce qui est mis sur le site de Monsieur Bobin, c'est que ça évoque aussi un peu les travaux du lieutenant Caramel, et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Anton Mobin, donc producteur notamment de l'émission Epsilonia, l'excellent programme sur Radio Libertaire le troisième jeudi de chaque mois, et aussi collaborateur notamment de Silence Radio, encore d'Arte Radio. Quant à Martial Béchaud, c'est un nouveau venu depuis 5-6 ans, mais qu'on vous passe assez régulièrement dans l'émission, avec 4-5 disques à son actif, notamment sur les étiquettes Bang ou encore Grabuge, disques tous distribués par Metamkin. On va continuer avec un autre 3 tours et une formation que je propose aussi très très régulièrement depuis un an et demi, ce qui n'est pas très étonnant vu leur production. Il s'agit du collectif d'Istanbul Construct, qui commence à se faire une carte de visite assez sérieuse avec 3, 4, 5 disques qui sortent chaque année, notamment aux côtés des légendes du jazz free américain ou aussi japonais. On vous a passé aussi au mois de juillet un disque qui était sorti sur Holidays Records en compagnie du saxophoniste Akira Sakata, et donc ils récidivent en cette rentrée avec une production sous étiquette Omlot, qui est un label de Göteborg en Suède, qui produit du jazz free, jeune label mais qui produit des choses vraiment très intéressantes. Donc 33 tours en compagnie de Joey McPhee, avec lequel ils avaient déjà enregistré et sorti le disque Babylon. Celui-ci s'intitule If You Have Time, deux pièces enregistrées non pas en live comme c'est souvent le cas avec les musiciens de Construct, mais en studio. Donc c'est enregistré à Istanbul au printemps de l'année 2014, et c'est un disque qui est d'ailleurs dédié au saxophoniste qui avait enregistré le premier Albert Heller, Bernd Fripp Nordstrom, ou encore les figures tutélaires de John Coltrane, l'excellent disque If You Have Time. Et on va commencer par un poème de Joey McPhee dans la pure tradition donc de la great black music américaine. On écoute le Something, qui sera enchaîné avec deux autres titres de Construct en compagnie de Joey McPhee. Music is a love beast, a sky dragon, a snake, a hummingbird, a crocodile. If you put your ear close, you will hear something. Oh, my God. le combo d'Istanbul, le construct dans ses œuvres, en compagnie du saxophoniste et trompettiste vétéran américain Joey McPhee sur le disque If You Have Time. C'est une publication de l'étiquette Omelot Records. Deux pièces sur ces deux faces enregistrées en studio. Je pense que les constructs n'ont pas fini de nous étonner, avec peut-être un troisième ou quatrième album cette année, toujours dans le registre du jazz free, matinée de psychédéisme, avec notamment l'électronique et la guitare de Umut Saglar. Voilà, on va se quitter avec un dernier titre. On va retrouver d'ailleurs Joey McPhee, cette fois-ci en compagnie du batteur et percussionniste norvégien Pål Nissen Love, sur un coffret assez extensif, pas moins de 7 CD sur ce coffret, cette boîte sous le titre Candy, publié très récemment et distribué par le label Metamkin. Donc c'est un disque qui, enfin une coffret qui fait suite à différentes collaborations qu'ils ont depuis quelques années dans différents projets tels que le Peter Brossman Chicago Tintet ou encore des disques entièrement tous les deux. Je vous rappelle que l'intégralité de cette émission est écoutable et podcastable à partir du site asile35.blogspot.fr. Je fais un petit clin d'œil aussi à l'émission Folklore Futur qui démarre demain soir. Donc le retour de Pierrot et de Nico. Et je vous souhaite une très très bonne nuit, une excellente semaine aussi sur l'antenne du 94 MHz. À très bientôt. Mm-hmm. I'm gonna put it.